better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, hey, hey, hey. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Gonna burn this goddamn house right down. It's murder on the dance floor, but you better not kill the groove. Hey, hey, hey. It's murder on the dance floor, but you better not steal the moves, DJ. Sophie Alex Baxter sur RGM. Un peu plus de 8h36, on parle anniversaire avec ceux qui sont nés un 10 avril 1929, naissance de Max von Sydow, acteur franco-suédois vu dans L'Exorciste 2, Jamais plus jamais, dans le rôle d'Ernest Stavro Blofeld, Minority Report, Rush Hour 3, Shutter Island, dans le rôle du docteur Nering, Robin des Bois de Ridley Scott, dans le rôle de Walter de Loxley, le beau-père de Marianne, vu aussi dans Star Wars épisode 7, dans le rôle de Lor San Tekka, et dans la série télé Game of Thrones dans le rôle de la corneille à trois yeux. 1952, naissance de Steven Seagal, acteur américain, vu dans Piège en haute mer et Piège à grande vitesse dans le rôle de Kazer Rybak, Mission Alcatraz dans le rôle de Sacha Petrosevich ou encore Machete. 1954, naissance de Peter McNichol, acteur américain, vu dans SOS Fantôme 2, Les Valeurs de la Famille Adams, la série télé La Vie à tout prix dans le rôle d'Alan Birch, Ally McBeal dans le rôle de John Cage, Numbers dans le rôle du docteur Larry Flenhart, 24 heures chrono dans le rôle de Tom Lennox et Grey's Anatomy dans le rôle du docteur Robert Stark. 1958, naissance de François Berland, acteur français, vu au cinéma dans Chouchou, Double Zéro, Je préfère qu'on reste amis, Coco ou encore De l'autre côté du lit, et à la télévision dans Joséphine Ange Gardien, Section de recherche ou encore Les Hommes de l'ombre. 1964, naissance de Charlie Nestor, animateur producteur télé français, on le connaît plutôt sous le nom du duo Charlie et Lulu avec son compère Jean-Marc Lubin. Duo où ils ont présenté de nombreuses émissions de divertissement, notamment l'émission culte Hit Machine, ainsi que des auteurs de chansons parodiques et une chanson pour les trentenaires, je pense que vous allez vous en souvenir. Ça nous a marqué quand même, c'était Le Feu ça brûle. Bon, je vous l'avoue, les paroles sont pas très haut niveau. Mais voilà, c'était les chansons de Charlie et Lulu. Allez, on se fait un petit souvenir en écoutant tout de suite un petit extrait. Le feu, ça brûle et l'eau, ça mouille. Tous les oiseaux volent dans le ciel. Poissons font des bulles et l'herbe est verte dans la forêt. Dans la forêt. Je me suis acheté un pull, il est en laine et en jersey. En jersey. Je ne mange plus de pommes car je suis tombé sur un pépin. Sur un pépin. Après tout, je suis qu'un homme car je cours moins vite. Voilà pour l'extrait du Feu ça brûle de Charlie et Lulu. Allez, on continue les anniversaires. 1968, naissance de Damien Viteka, acteur français de doublage qui est la voix française régulière de Leonardo DiCaprio. 1973, naissance de Guillaume Canet, acteur, réalisateur, scénariste et producteur français vu dans La Plage, dans le rôle d'Étienne, Jeu d'enfant, dans le rôle de Julien Janvier, Narco, Joyeux Noël, Un ticket pour l'espace, Ne le dis à personne, dans le rôle de Philippe Neuville, Ensemble c'est tout, La nouvelle guerre des boutons dans le rôle de Paul, l'instituteur, Les infidèles, Japlou, Cézanne et moi dans le rôle d'Émile Zola, Rock'n'Roll où il interprète son propre rôle et plus récemment dans Le Grand Bain où il interprète le rôle de Laurent. Réalisateur, scénariste et producteur des films Ne le dis à personne, récompensé par le César du meilleur réalisateur, Les petits mouchoirs, Blood Ties, Rock'n'Roll ainsi que du film Nous finirons ensemble, sorti prévu le mois prochain. Et scénariste et producteur du film Japlou. C'est également l'année de naissance de Roberto Carlos da Silva, ancien footballeur brésilien, connu tout simplement sous le nom de Roberto Carlos, ayant fait carrière de 1989 à 2016 en jouant à l'Unao São João, à l'Atlético Mineiro, au SE Palmeiras, à l'Inter de Milan, au Real Madrid, au Fenerbahçe, au club de Corinthians, à Anji Makachkala et au Delhi Dynamos. 1979, naissance de Sophie Elix Bextor, chanteuse britannique. 1980, naissance de Charlie Hunnam, acteur britannique, vu dans Pacific Rim dans le rôle de Raleigh Beckett. En 2017, dans Le Roi Arthur, la légende d'Excalibur, où il interprète le Roi Arthur, ainsi que dans la série Sons of Anarchy, dans le rôle de Jack Steller. C'est également l'année de naissance de Bryce Soderbergh, musicien américain du groupe Lifehouse. 1981, naissance de Laetitia Bléger, qui fut Miss France 2004. 1982, naissance de Shelley Legg, actrice américaine connue pour son rôle du docteur Lexi Gray dans Grey's Anatomy, son rôle du détective Kat Sullivan dans Taxi Brooklyn, son rôle d'Alex Danvers dans la série Supergirl, ainsi que Arrow, Flash et Legend of Tomorrow, hein, quand les séries se croisent. 1984, naissance de Mandy Moore, chanteuse américaine notamment connue pour le titre Candy, dont on écoute tout de suite un extrait. L'extrait donc de la chanteuse Mandy Moore. Allez, on continue. 1987, naissance de Shay Mitchell, actrice et mannequin canadienne, connue pour son rôle d'Emily Fields dans la série Pretty Little Liars. 1988, naissance d'Alec Joel Osment, acteur américain, vu dans Forrest Gump dans le rôle du fils de Forrest Gump, Sixième Sens dans le rôle de Cole Sear, ou encore AI, intelligence artificielle, dans le rôle de David Swinton. 1989, naissance de Thomas Hurtel, basketteur français, qui de 2007 à 2009 a joué à Poortes, de 2009 à 2010 à Strasbourg, de 2010 à 2011 au Lucentum Alicante, de 2011 à 2014 au Saski Baskonia, 2014-2017 à Istanbul, et depuis 2017 il joue à Barcelone. Et à noter qu'en équipe de France il est médaillé de bronze à la Coupe du Monde 2014 et médaillé d'or au Championnat d'Europe 2013. 1990, naissance d'Alex Petitfer, acteur et mannequin britannique, vu dans Magic Mike dans le rôle d'Adam et dans le majordome dans le rôle de Thomas Westfall. 1992, naissance de Daisy Ridley, actrice britannique, connue pour son rôle de Rey dans Star Wars épisode 7 et épisode 8, et rôle qu'elle reprendra d'ailleurs dans le 9e volet qui sortira cette année. 1996, naissance de Loïc Noté, chanteur, danseur, compositeur belge, qui a notamment gagné une saison de Danse avec les Stars. 1919, décédé Emiliano Zapata, célèbre révolutionnaire mexicain. En 1954, décédé Auguste Lumière, ingénieur français, inventeur du cinéma. Et en 2010, décédé Dixie Carter, actrice américaine, connue pour son rôle de Randy King dans la série Associée pour la loi et son rôle de Gloria Hodge dans la série Desperate Housewives. Allez, avant de marquer une nouvelle pause musicale, on va faire un point sur les sorties cinéma, hein, comme tous les mercredis. On commence avec Alex, le destin d'un roi, un film familial fantastique de Joe Cornish avec Louis Serki. Kiss, Tom Taylor ou encore Rebecca Ferguson. Autre film, Tanguy le retour, comédie d'Étienne Chatillès avec André Dussolier, Sabine Azéma ou encore Éric Berger. Autre film, Cimetière, un film d'épouvante d'horreur de Kevin Kolsch et Dennis Widmeyer avec Jason Clarke, Amy Semetz et John Lithgow. Autre film, Blanche comme neige, comédie de Anne Fontaine avec Lou Delage, Isabelle Huppert et Charles Berling. Autre film, L'incroyable aventure de Bella, un drame, un film d'aventure de Charles Martin Smith avec Ashley Judd, Jonah O'Hare King et Edward James Olmos. Et enfin, on termine avec deux films d'animation intitulés Royal Corgi et Ariol prend l'avion et autres têtes en l'air. Voilà pour les sorties cinéma. On marque tout de suite une nouvelle pause avec le groupe Lifehouse et leur titre You and Me. What day is it? And in what month? This clock never seems so alive. I can't keep up and I can't back down. I've been losing so much time. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. One of the things that I wanna say just aren't coming out right. I'm tripping on words, you got my head spinning. I don't know where to go from here. It's you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. There's something about you now I can't quite figure out. Everything she does is beautiful. Everything she does is right. 'Cause it's you and me and all other people, nothing to do, nothing to lose. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you and me and all other people, nothing to do, nothing to prove. And it's you and me and all other people, and I don't know why I can't keep my eyes off of you. Is it? And in what month? This clock never seems so alive. Le groupe Lifehouse sur le 107FM, il est presque 8h50, on parle météo. La météo. Ce matin encore, il y a du brouillard. Ensuite, on aura des nuages et de la pluie. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés ce matin. Entre 9 et 10 degrés prévus pour cet après-midi. Jeudi devrait être une journée ensoleillée. Des températures comprises entre 4 et 5 degrés le matin. Entre 11 et 12 degrés l'après-midi. Vendredi, soleil avec quelques nuages. Des températures comprises entre 0 et 1 degré le matin. Entre 9 et 10 degrés prévus pour vendredi après-midi. Allez, on file tout de suite faire un point sur l'actu sportive. Les résultats sportifs. Un mot de football tout d'abord avec le résultat de la Ligue 1 où Nîmes s'est imposé 3 buts à 1 face à Rennes. En Ligue des Champions, Tottenham s'est imposé 1 but à 0 face à Manchester City et Liverpool s'est imposé 2 buts à 0 face à Porto. Ce soir, Manchester United reçoit Barcelone et l'Ajax d'Amsterdam reçoit la Juventus de Turin. En hockey sur glace, la finale de la Ligue Magnus a donné son vainqueur hier soir. Il s'agit de Grenoble qui s'est imposé 2 buts à 1 sur la patinoire rouennaise. 10 ans après, Grenoble remporte de nouveau le trophée de la Ligue Magnus. Un mot de basket avec les résultats de NBA. L'équipe de Charlotte de Nicolas Batum, 3 points et 6 rebonds, s'est imposée face à Cleveland, 97 à 124. À noter que Tony Parker a été remplaçant, il n'a pas joué. L'équipe de Memphis, toujours privée de Joakim Noah, blessé, s'est inclinée face à Détroit. L'équipe de Washington de Miami s'est incliné face à l'équipe de Boston de Yabusele, 110 à 116. 11 points et 12 rebonds pour Miami, pour Washington, et 13 points pour Yabusele, pour son équipe de Boston. Les Chicago Bulls de Luau Cabarro à 10 points se sont inclinés 86 à 96 face à l'équipe de New York. L'équipe de Phoenix de Okobo à 11 points s'est inclinée face à Dallas, 120 à 109. Et enfin, l'Utah Jazz de Rudy Gobert, 20 points, 10 rebonds, s'est imposé 118 à 108 face à l'équipe de Denver. Un mot de tennis avec le tournoi de Marrakech, la qualification de Benoît Paire en 3-7 face à Bédéné, 3-6, 6-4, 7-5. La qualification d'Herbert en 3-7 face à Fabiano, 6-7, 6-4, 6-1. Aujourd'hui, Simon affrontera André Ozzi et Tsonga sera opposé à Edmund. À Houston, aujourd'hui, Jérémy Chardy affronte Garin. À Bogota, a noté hier l'élimination de Paquet en 3-7 face à Bogdan, 6-2, 6-7, 6-2. À Lugano, a noté l'élimination de Parmentier en 2-7 face à Vogel, 6-2, 6-4 et la qualification de Ferro en 2-7 face à Minella, 6-2, 7-5. Ferro affrontera aujourd'hui Van Jutkank. Et en cyclisme, Tour du Pays Basque, la deuxième étape a été remportée par Julien Alaphilippe qui signe ainsi sa 9e victoire cette saison. Et un mot de natation, ça y est, Florent Manaudou est de retour dans les bassins comme on a pu le voir notamment sur son compte Instagram. Il se prépare pour les prochains Jeux Olympiques. Voilà pour l'actu sportive. On va tout de suite marquer la dernière pause musicale avec Loïc Notet et son titre Million Eyes. Such a freak. It's what people say to me. Different to different. I'm scared of judgment. Your insults and your slander stick on to me. watching me. You talk behind my back, you spy on me. So I scream and shout to make you leave, but you're still here. Loïc Noté avec son titre Million Eyes sur RGM. 8h57, tout juste passé de quelques secondes. On fait un point sur les émissions qui vous attendent aujourd'hui. À 10h, ce sera Les Ados avec l'IME. 13h30, la rediffusion de la chronique d'Amadou qui nous parle de la tribu de Dana du groupe Mano. Entre 14h et 16h, vous retrouverez Mika en direct. Ensuite, à 20h, Nothing But The Blues. À 21h, la rediffusion de Vivre et Créer à la Montagne avec Vincent. Nous, on se retrouve demain matin. Même heure, même endroit. Excellente journée à tous.